إلا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله وبياكم. En cette soirée du mercredi 30 Jumada al-Oula 1429 de l'Hégire, ce qui correspond, inshallah ta'ala, avec le 4 juin 2008 bi'idna azzawajal. Naam. J'avais fait remarquer plusieurs fois que, naam, quand on veut arrêter un verset, inshallah ta'ala, on laisse le verset terminé. Naam. Même si le verset, naam, yani son sens ne se termine qu'en entendant le verset qui le suit, on attend alors l'autre verset, naam, pour inshallah ta'ala ne pas arrêter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça en plein milieu sans que le sens ne se termine. Alhamdulillah. Tayyib. Nous sommes inshallah ta'ala toujours avec qui? Toujours avec les Habash. Naam, toujours avec les Habash. Inch'Allah ta'ala, si Allah Azza wa Jal veut, ce sera le dernier dars aujourd'hui sur eux. Naam, yani le dernier dars spécialement sur eux. Sinon, yani pour ne plus en parler d'eux, cela est impossible. Cela est impossible. Comme on a demandé à Ahmed ibn Hanbal, naam, qui fait beaucoup de salat, et quelqu'un qui parle sur les innovateurs, qui est le mieux? Il a dit, celui qui parle sur les innovateurs est mieux, car celui qui fait la prière toute la nuit et jeûne toute la journée, il, yani c'est lui seul qui a des intérêts, c'est lui seul. Les intérêts, c'est lui qui gagne seulement. Naam. Mais quand quelqu'un parle et montre aux gens les égarés et les innovateurs, c'est pour lui et c'est pour les musulmans. Naam. Imaginez que vous n'entendiez jamais parler des Habash, ni des Takfiriyin, ni des chiites, ni des Mu'tazila. Naam. Alors quiconque, naam, peut facilement vous faire égarer. Facilement et très facilement. Il vous dit, Allah a dit, le messager a dit, ça, vous dites, il a raison celui-là, on le suit. Mais quand vous vaccinez, vous connaissez le mal, vous pouvez, inshallah ta'ala, l'éviter facilement, bi'idhnillahi azza wa jalla. Surtout que, les Habash, c'est l'une des plus dangereuse secte de notre époque. Elle est plus dangereuse que autrefois les Jahmiya, les Mu'tazila. Et les... Pourquoi? Parce que cela peut-être yani, n'existe plus. Naam, leur Aqida existe, ils n'existent plus comme secte qui revendique yani, leur dogme. Mais maintenant, les Habesh sont toujours avec toi. Naam, les Takfiriyoun sont toujours avec toi. Naam. Si tu ne connais pas leur minhaj et en quoi ils sont égarés, ils peuvent facilement te prendre dans leur rang. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. On a vu la fois passée, naam, que les Habash n'avaient aucune relation avec Abu Hanifa. Car ils disaient qu'on suit Abu Hanifa et que Abu Hanifa a dit naam, que, yani, que quiconque dit que le trône, ou bien dit je ne sais pas où est le trône, c'est-à-dire même s'il reconnaît, il dit Allah est au-dessus du trône, naam, mais je ne sais pas le trône, s'il est sur la terre ou là dans les cieux. Il a dit il est kafir. Naam. Donc si on prend par déduction ce qu'on appelle en arabe bilaz al-qawl de Abi Hanifa, ça veut dire que les Habash sont des koufars, parce qu'ils disent qu'Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Naam. Et ils veulent tromper les gens en leur disant Allah Ta'ala n'a ni endroit ni comment. Ils disent comme ça, hein? Ni endroit ni comment. Ni comment, c'est vrai, n'a pas de comment. Naam. Ou plutôt, mieux que cela, Personne ne connaît son comment. On ne dit pas n'a pas de comment, on dit personne ne connaît son comment. Car Allah Ta'ala, la Bouddha, en arabe on dit, la Bouddha lahu mada, lahu kayfiya. Mais on ne demande pas sur le kayf. Il y a une différence entre le kayfiya et le kayf. Si Allah Ta'ala n'avait pas de kayfiya, ça veut dire qu'il n'existe plus. Mais on ne connaît pas son kayf, on ne connaît pas comment son fait, yani yani comment il descend, comment il a les mains, comment cela. Mais il a ses attributs, hein, de réels attributs. El Mohim, je disais, pourquoi je disais cela? Attendez, je vois bien un peu marche arrière. Donc je disais que, naam, que Abu Hanifa rahimahullah, naam, dit que quiconque dit, je ne sais pas si Allah est au-dessus du trône, ou bien je sais qu'il est au-dessus du trône, mais je ne sais pas où est le trône, il est kafir. Donc si on prenait de ce qu'a dit Abu Hanifa, les Habash qui disent, nous on suit Abu Hanifa, on leur dit, vous mentez. Abu Hanifa dit de vous que vous êtes des kuffars. Mais nous, alhamdoulilah, on ne dit pas comme ça facilement à une personne qu'elle est devenue kafira. Mais on dit, ils sont tombés dans le coffre. Naam. Mais le coffre n'est pas encore tombé sur eux. Reste à savoir, est-ce qu'ils remplissent les conditions? Est-ce qu'ils n'ont pas d'excuses? Comme disent les ulama, ils disent, كل الشروط والموانع أي وكل الموانع ترتفع. C'est-à-dire, on ne dit pas, vite, celui-là il est devenu kafir. On n'est pas des kafiriens. Mais on dit il est tombé dans le coffre. Reste maintenant, on va voir est-ce qu'il remplit les conditions et il n'a pas d'excuse. Dans ce cas, il devient kafir. C'est pour ça que Al-Sunnah al-Jama'a font toujours la différence entre qui? Entre les chefs et leurs savants à eux, ce qu'ils appellent savants bien sûr sont des ignorants, leurs savants à eux, et ils font la différence entre les gens de la masse. Naam, ils disent les savants des sectes égarées sont des kofars, les savants des chiites, les savants des Mu'tazila, ceux-là ce sont des kofars. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité et naam, ils égarent des gens et ils ne les laissent pas suivre le vrai minhaj. Ce sont eux qui les empoisonnent et donnent le virus aux gens. Naam. Mais ceux qui ne sont pas des têtes, les gens de la masse, ce sont des gens qui peuvent être excusés à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils suivent et imitent aveuglément. Ils suivent et imitent aveuglément. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ahbash, les ulama, les savants les appellent aussi l'aubash. Et les appellent aussi l'akbash. L'akbash, c'est les moutons. Naam. L'ahbash, l'akbash, c'est les moutons. Pourquoi sont des moutons? Ils suivent aveuglément. Naam, ils suivent. Il y a une femme ici, elle vient, elle fait des dourous, ils la suivent. Elle dit n'importe quoi, ils la suivent. Naam, pourquoi ils n'ont pas de science pour lui demander, pour la garer, celui-là il est kafir. Et l'autre qui est un mouton, qui suit comme ça aveuglément, naam, il voit où le troupeau part, il va avec lui. Naam, celui-là, il peut être excusé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc les Habesh n'ont aucune relation avec Abu Hanifa. On a lu ça, on a lu le Fiqh al-Akbar et ce qu'a dit Abu Hanifa. Ils n'ont aucune relation avec Abu Hassan al-Ash'ari. Abu Hassan al-Ash'ari a dit qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône, qu'Allah Ta'ala a les mains, les yeux. D'ailleurs, il a même un titre dans son livre Al-Ibana, un titre, et aussi dans Maqalat Islamiyya. Un titre où il dit, chapitre, qu'Allah Ta'ala, les mains d'Allah Azza wa Jal, les yeux d'Allah Azza wa Jal, la descente d'Allah Azza wa Jal, est comme ça. Donc, si quelqu'un dit « Ash'ari, je suis Ash'ari », on lui dit « Il n'y a pas plus grand menteur que toi. » Ash'ari, on va à ses livres. On va à Risala et al-Sahr. On va à Maqalat Islamiyin. On va à l'Ibana. Ce sont ces livres les plus répandus. Et on voit, est-ce qu'il dit Allah Ta'ala à une descente ou il n'a pas? Est-ce qu'il dit Allah Ta'ala à demain ou il n'a pas? Est-ce qu'il dit Allah Ta'ala au-dessus du trône ou il ne dit pas? Naam. Tayyib. Mieux que cela, Abu Hassan al-Ash'ari dit que naam, ceux qui disent pas qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône, ou bien qu'ils disent pas les mains, il n'a pas les travailler en notre nom. Naam, naam, elle se cache derrière l'Azhar et dit voilà, nous sommes de l'Azhar, etc. Malgré que, subhanallah, ce qui est étonnant, malgré que la aqida de l'Azhar n'est pas aqida salafia. Tout le monde sait cela. La aqida, l'Azhar, c'est pas salafi, c'est Ash'ari. Et pourtant, naam, ils se désavouent des autres, des Habesh. Pourquoi? Parce que les Habesh, naam, comme j'ai dit, ne sont pas de vrais Ash'ari. S'ils étaient de vrais Ash'ari, ils seraient toujours égarés. Car l'Ash'ari de nos jours, ce n'est pas des Salafiyas. Naam, l'Ash'ari, c'est celui qui suit Abu Hassan l'Ash'ari. Or, ceux-là, suivre Abu Hassan al-Ash'ari dans sa deuxième étape. Pourquoi? Car Abu Hassan al-Ash'ari est passé par trois étapes. Il était Mu'tazili, il a quitté l'I'tizal, il est devenu Kullabi, Saïd ibn Kullab. Ensuite, il a quitté ibn Kullab, il est devenu ce qu'on appelle Salafi. Un an, il marche avec Abu Hassan al-Ash'ari dans la deuxième étape, quand il était Kullabi, c'est-à-dire Asha'ira, de maintenant. Naam. Tayyib. Donc les Azhar, une fatwa, naam, du comité permanent de la fatwa. Il y a un comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite. Naam, à chaque fois, on lui envoie une question et il répond. On lui a envoyé une question, naam, c'est la question, naam, plutôt on lui a envoyé une question et le comité a répondu. A répondu dans quelle fatwa? Il a répondu dans la fatwa 19606. Pour ceux qui veulent, inshallah ta'ala, revenir. Naam, pour ceux qui veulent revenir à la fatwa. Fatwa numéro 19606. Comité permanent, naam, comité permanent pour les recherches académiques et l'IFTA, Arabie Saoudite. Fatwa numéro 19606. Naam, qui répond? Qui répond? Naam, qui répond ici? Ici répond, naam, le président du comité, Abdul Ali. On a eu des questions aussi sur la personne à qui cette secte yani revient, ou bien à qui yani cette secte suit, c'est-à-dire leur chef, leur grande tête, qui s'appelle Abdullah al-Habashi. Donc, al-Qatina fi Lubnan. Naam, cette question nous a été posée par les Habesh, la secte qui suit Abdullah al-Habashi, qui habite au Liban, qui demeure au Liban. Wala jam'iyyat nashita fi ba'd dawl Europa wa America Australia. Et cette secte qui a quoi? Qui a des associations très qui active. Personne, naam, noterait. Chaque personne notera cette association. Comme ça, naam, pour dire aux gens, pour dire à ses voisins, pour dire à ses frères, pour dire à ses sœurs, pour dire à sa famille, attention, attention à cette association, c'est l'une des plus, naam, des plus égarées, des plus dangereuses de notre époque. C'est à peu près comme le Messie Dajjal. Vous connaissez l'Antéchrist qui va venir? Naam, ceux-là, ce sont leurs enfants. Leurs enfants sont là, et ils attendent leur père, l'Antéchrist, le Messie Dajjal, qui va sortir, naam, pour l'accueillir. Bien sûr, ceux-là, ce qu'ils ont, et bien sûr, les sœurs chrétiennes sont connues, très connues, qu'elles travaillent avec quoi? Avec de l'argent. Elles donnent des médicaments aux gens, elles leur donnent des vêtements, elles donnent. Alhamdulillah, je remercie Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, naam, qui a envoyé comme président de République le comment s'appelle? Abdelaziz Bouteflika. Qu'Allah Ta'ala le protège et l'aide à ce qu'il applique, naam, la charia. Maintenant, il y a une loi en Algérie, quiconque rentre dans le christianisme, naam, c'est la prison et l'amende. La prison et l'amende. Allah a dit dans un hadith authentique, quiconque change de religion, on lui coupe la tête. Quiconque change de religion, on lui coupe la tête. Si quelques-uns vont dire donc le chrétien, s'il devient musulman, on lui coupe la tête. On lui dit parce que le hadith a dit comme ça. On lui dit non, le hadith s'est adressé aux musulmans. Le hadith parle à qui? Parle aux musulmans. Il leur dit quiconque change de religion, on lui coupe la tête. Maintenant en Algérie, si vous lisez les journaux tous les jours, X et Y qui est devenu chrétien, c'est la prison, le tribunal et les amendes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, ils sont très répandus en France, les Habesh. Naam, qu'Allah Ta'ala les guide ou alors leur brise le dos. Al-Muhim. Alors il a dit استعرضت اللجنة لذلك ما نشرته هذه الجماعة من كتب ومقالات توضح في اعتقادها وأفكارها ودعوتها وبعد الاطلاع والتأمل فإن اللجنة تبين لعموم المسلمين ما يلي. Bon, alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit le comité permanent, après avoir reçu la réponse, la question qui demande à voir sur le cas des Habesh, Qu'a fait le comité permanent? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à parler comme ça sans délai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, quels sont les livres? Quels sont les livres? Et quelles sont les revues? Quelles sont les cassettes des Habesh? Et ils ont écouté, ils ont lu, ils ont vu c'est quoi leur aqida, c'est quoi leur dogme. Et ensuite, ils ont dit, alors après avoir lu leur dogme et vu leur livre et leur revue, le comité permanent a décidé de dire aux musulmans ce qui suit. Alors le comité de la fatwa a décidé de vous dire, vous qui m'entendez et à moi aussi, ce qui suit. Alors nous allons entendre ce que dit le comité de la fatwa. On va entendre, inshallah ta'ala, on va lire ce qu'il dit, bi'idhnillahi azza wa jal. طيب alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit اولا ثبت في صحيح الكوميتي a dit dans صحيح البخاري dans صحيح مسلم il y a un hadith où le messager d'Allah a dit les meilleurs gens ce sont les gens de Qarni, c'est-à-dire de mon siècle. Les meilleurs gens ce sont les gens, voilà, la meilleure génération est la mienne puis celle qui la suit puis celle qui la suit. Hadith dans Bukhari Muslim, il y a plusieurs versions de ce hadith. Naam. Ensuite il a dit ce qu'ont ces trois générations. Pourquoi ces trois générations sont les meilleures? Vous savez pourquoi? Il a dit parce que ces trois générations ne s'éloignent pas du livre et de la sunna et comprennent le Coran et la sunna d'après les bases de la législation de la sharia et d'après les bases de quoi? De l'arabe. Naam. Car l'arabe joue un grand rôle dans la compréhension de l'islam. Vous savez, bien sûr. Thaniyan, thumma khalafa min ba'dihim khulufun kathurat fihim al-bid'a wal-muhdathat wa ujiba kullu dhi ra'in bi ra'yihi wa hujirat an-nusus ash-shar'iyya wa uwilat wa hurifat li tuwafiq al-ahwa wal-masharib fa shaqu bi dhalika ar-rasul al-amin sallallahu alayhi wa sallam wa ittaba'u ghayra sabil al-mu'minin. Ensuite, il a dit après ces trois générations, naam, ont vu le jour d'autres générations qui, celles-là, suivent les innovations et sont venues avec des égarements et ont fait dissidence avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est à l'est, eux ils sont à l'ouest. Il est au sud, eux ils sont au nord. Naam. Il a dit des sectes qui ont fait dissidence au sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ces sectes n'ont pas suivi quoi? N'ont pas suivi le chemin et le sentier des croyants. Naam. Tayyib. Ensuite, je suis en train de un peu de comment dire? C'est pas comment on dit le mot, je suis en train de résumer. Naam, de résumer. Ensuite, il a dit des dolos spécialement sur eux. Naam, mais chaque dose, je parle des Habesh. Je compare les salafs et les Habesh. Car les Habesh disent nous sommes des salafs. La parole d'Allah, et vous allez voir que les Habesh disent tout à fait autre chose. Les Habesh disent que le Coran, c'est Jibril qui l'a dit. C'est-à-dire Allah Ta'ala l'a révélé à Jibril, mais Allah Ta'ala ne parle pas. C'est-à-dire, ils disent qu'il parle, mais ce n'est pas une vraie parole. C'est-à-dire qu'il ne contient ni lettre ni son. Alors que nous, dans le Bukhari, on dit qu'Allah Ta'ala, sa parole, c'est lettre et saut. C'est, vous entendez, saut. Eux, ils disent non. Ils disent c'est quelque chose d'intérieur, c'est tout. Et Jibril, alayhi salam, c'est lui qui a choisi les mots. Naam. Ils prétendent que naam, le Coran provient de Jibril. C'est pour ça qu'ils disent, c'est très connu, l'Ash'ira et les Habash, ils disent le Coran, c'est l'expression. Naam, le Coran, c'est l'expression. C'est pas les mots qu'on est en train de lire. Non, les mots viennent de Jibril. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Un mot, ça viendra, inshallah, le prochain dans la parole d'Allah. Ensuite, le deuxième dars après la parole d'Allah, c'est le dars le plus difficile pour les Habash. Le plus difficile. S'ils peuvent, ils m'arrêteraient de faire le dars. Ils m'ont envoyé, je ne sais pas, des centaines, je ne sais pas combien j'ai, je crois, 1600 awas. 7 versets, des A'udoublah, tu es mon grand ennemi. Tu es un shaitan. Tu as dit Allah au-dessus du trône. Allah Ta'ala est partout. Allah Ta'ala est partout. Allah Ta'ala nous préserve. Allez, ça viendra, inshallah Ta'ala. Tayyib, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, naam. Troisièmement, écoutez bien, troisièmement, Allahu Akbar, troisièmement, il a dit, ensuite, ظهرت كم في الربع، نعم في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري، جماعة يتزعمها عبد الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالته. Ensuite il a dit dans le dernier quart, نعم dans le dernier quart du 14e siècle, du 14e siècle a vu le jour une secte, نعم une secte qui suit quelqu'un qui s'appelle Abdullah al-Habashi. Pourquoi on dit al-Habashi? Parce que cette personne qui s'appelle en fait Abdullah al-Harari est venue d'Éthiopie. Naam, c'est pour ça que l'on dit al-Habashi. En arabe, l'Éthiopie c'est al-Habasha. Tayeb, cette personne-là, cette personne, en Éthiopie, son pays c'est l'Éthiopie. Il est né là-bas. Il a fait des fitnas au point où le roi, ou je ne sais pas comment il s'appelle, l'empereur Hilasi a fait une demande contre lui, ce qu'on appelle au point où le roi, ou je ne sais pas comment il s'appelle, l'empereur Hilasi a fait une demande contre lui, ce qu'on appelle il faut m'amener cette personne pour lui couper la tête. Il a fait ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ça, le tribunal, il envoie quelque chose, yani pour rechercher la personne, un avis de recherche, naam, un avis de recherche sur Abdullah al-Harari hada pour yani l'emprisonner, lui couper la tête. Alors lui, pourquoi? Beaucoup de fitna avec les gens, beaucoup de fitna dans la aqida. Alors Habasha, subhanallah al-azim, Habasha c'est plein de savants. Ils lui ont dit comment? Allah Ta'ala a dit comme ça, le messager d'Allah a dit comme ça, Ibn Taymiyyah a dit comme ça, Ibn Kathir a dit comme ça, toi tu dis le contraire. Et c'est la fitna.